Une aube de douceur s'éveille sur la lande. Printemps de Bretagne à fleurs, il est allu. Les cloches de Kéris l'ont dit jusqu'en Islande. Pâles en allées qui ne de Bretagne, enchantement du monde, sourire virginal de la terre et des eaux. C'est comme un miel épars dans la lumière blonde. Viane éveillée a repris ses fils d'eau. File, file l'argent. Des aubes aprilines, file pour les landiers, ta quenouille d'orphin. Ne fais qu'une émeraude avec la mer sans fin. Tes rubis charmeuses habillent les colis. C'est assez qu'un reflet brille à tes doigts de flamme. Ton ciel enchanté descende jusqu'à nous pour acheter notre âme.